Le lendemain, le baron, devenu fou de madame Marneffe, alla voir la cousine Bette, assez stupéfaite en ouvrant la porte de le trouver devant elle, car il n'était jamais venu lui faire une visite. Aussi se dit-elle en elle-même, « Hortense aurait-elle envie de mon amoureux ?» Car la veille, elle avait appris chez monsieur Crevel la rupture du mariage avec le conseiller à la cour royale. « Comment, mon cousin, vous ici? Vous me venez voir pour la première fois de votre vie. Assurément, ce n'est pas pour mes beaux yeux. »« Beau, c'est vrai, reprit le baron. Tu as les plus beaux yeux que j'ai vus. Pourquoi venez-vous? Tenez, me voilà honteuse de vous recevoir dans un pareil taudis. » La première des deux pièces dont se composait l'appartement de la cousine Bette lui servait à la fois de salon, de salle à manger, de cuisine et d'atelier. Les meubles étaient ceux des ménages d'ouvriers aisés, chaises en noyer foncé de paille, une petite table à manger en noyer, une table à travailler, des gravures enluminées dans des cadres en bois noirci, de petits rideaux de mousseline aux fenêtres, une grande armoire en noyer, le carreau bien frotté et bien reluisant de propreté, tout cela sans un grain de poussière, mais plein de tons froids, un vrai tableau de Terbourg où rien ne manquait, pas même sa teinte grise, représentée par un papier jadis bleuâtre et passé au ton de lin. Quant à la chambre, personne n'y avait jamais pénétré. Le baron embrassa tout d'un coup d'œil, vit la signature de la médiocrité dans chaque chose, depuis le poêle en fonte jusqu'aux ustensiles de ménage, et il fut pris d'une nausée en se disant à lui-même « Voilà donc la vertu,